J'ai fait de la place car ma présence c'est comme un bowling. Dans un palais des glaces incongru. Et c'est un mot chelou incongru. Un peu comme un cheap show avec le menton dru. Ou un qui ne parle que bitch, freak, street, credibility. C'est un peu trop, j'avais chaud dans les champs. Très bon, des fois je suis dangereux, c'est vrai. Mais bon, je suis pas méchant, juste pas méchant. Des fois je suis fâché de savoir que pour un sachet de weed tout attaché. Le système ne rappe pas là, je l'aurais déjà caché. Pas le choix, du coup, je vais lâcher. Arracher le bonheur, frotter comme un apaché. Se battre quand même, et finir de marcher. Faire du marché, je veux que je me cache. Que je marche pas, je crois que je peux pas marcher. Besoin de marque, je ne parle pas souvent de marque. Je ne sais pas si t'as remarqué, mais Bingo de Marco Mike est tout de suite. J'assume comme un jeu de pauvre. J'étais dans un disque de la bourse, de la bourse, un peu partout en France. Dommage, l'État n'en veut pas dans ses finances, mais de la bourse fume, monsieur le président. C'est comme ça, ouais, tu devrais tester ça de temps. Trop de raisons d'être anarchiste et de péter les ponts. Thank you. chance. Et mépris ça en poudre. Passons à l'action, je détruis ça sans foudre. Je m'en fous de grailler. Je n'ouvre pas de la semaine, mais je suis dans le fond. Maillé au cas où ça dégaine. Faut aller, dès qu'elle va se mettre au soumet. Le propre patron me soumet quand je suis chasse pas trop au soumet. Thank you.

Mm-hmm.